2000, encore dans le mille. Faut pas qu'on rate le coche, faut qu'on s'accroche. Que fait ma fille, tu vois ce que je veux dire, gros? Manuqué, S-O-L-O. Ouais, ouais, écoute ce truc-là, ouais, ouais. Que tous les rappeurs sortent leur Kleenex. J'apporte le style qui fait danser et chialer en même temps. Profitez-en car c'est pas tout le temps qu'il y a un truc pareil qui sonne à l'oreille, gros, qui fait péter les sonos. Du rap, j'suis love, normal qu'on innove. Demande à mes potes comment on s'organise. Pour quelle bise on mise avec la tease. Sur la vie de ma mère, ça part en crise. Mais c'est les potes qui veulent ce truc de malade. Moi, j't'amène en balade. Y'a quoi de péter les plombs, camarade? Un micro, une platine. Pour moi, c'est devenu la routine. La clientèle veut un truc mortel comme la morphine. Le but, c'est de buter, pas de blesser, que de la tuerie. Alors, MC, emballe ton style tout pourri. Dans la vie, y'a ceux qui grimpent et y'a ceux qui triment. Et puis y'a les coupables, bien sûr, y'a les victimes. Et puis y'a ceux qui jugent, et puis y'a ceux qui purgent et non peine. Et moi, ça me pose problème pour ceux qu'on aime. De les voir partir dans ce trip, ça me gêne. Que ce soit dans mes clips ou sur scène. Je représente toujours pour mes potos dans les choisis à Vitry sur scène. L'étranger en danger, tout ça n'a pas changé. Depuis mon premier disque, j'ai gardé le même ingé. Et puis j'ai changé ma vision de vie. Fini de faire la zizanie, il faut se prendre en charge. Imagine une femme, des gosses, un appart à ta charge. C'est plus pareil, n'attendez plus que le monde s'émerveille. Aujourd'hui il faut mettre à gauche pour demain. Compris, cousin? Oh les sud, oh les sud. Tu blesses et tu rêves de soleil. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Oh les sud. Pour qui j'accasse ça, bouche se casse. Et cette fois embrasse à le sol et bouche se froisse. Oh les sud. Tu blesses et tu rêves de soleil. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Orly Sud. Pour qui j'accasse ça, bouche casse ça. Et cette fois embrasse à le sol et bouche se froisse. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Manuqué Oldtimer. Si t'aimes pas mon truc, nique ta mère. C'est vulgaire, mais dis ce que je pense, mon frère. Le micro, voilà à quoi ça sert. Vas-y, danse, ma sœur. Faites bouger vos fessiers, soyez pas trop coincés. Voyez, appréciez le style qu'on a lancé. Quand tout a commencé, j'étais pas un MC, mais dans la MJC. Tonton des îles. Garantie le pays, ça me manque aussi. Les billets de banque aussi. T'as un peu de soucis en ce temps-ci. Alors écoute ceci et puis apprécie. Tu blesses et tu rêves de soleil. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Oh les sus. Oh les sus. Oh les sus. Oh les sus. Tu blesses et tu rêves de soleil. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Pour qui j'accasse ça, bouche casse ça. Et cette fois embrasse à le sol et bouche froisse ça. Tu blesses et tu rêves de soleil. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Pour qui j'accasse ça, bouche casse ça. Et cette fois embrasse à le sol et bouche froisse ça. Ouais, mais là, tourne à gauche. Le soleil, une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Orly Sud. Pour qui j'accasse ça, une voix, tu vois, et cette fois embrasse à le sol. Orly Sud. Tu blesses et tu rêves le soleil. C'est à peu près ça. Une pensée pour l'oseille, pour les potes et les mamzelles. Orly Sud. Pour qui j'accasse ça, on est arrivé, on est arrivé. Cette fois embrasse à le sol. Orly Sud. Tu blesses et tu rêves le soleil. Orly Sud. Pensée pour mes potes et les mamzelles. Et ceux qui ont de l'oseille. Orly Sud. 2 minutes.